L'Office de radiodiffusion télévision française présente, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Théâtre et Université, une émission d'Éléonore Kramer. Vous entendrez aujourd'hui, dans un découpage radiophonique, La Reine morte, de Henri de Monterland, joué au Théâtre français avec la distribution suivante. Ferrante, roi de Portugal, Paul-Émile d'Hébert. Le prince Dom Pedro, son fils, Jacques Toja. Egas Coelho, premier ministre, François Chaumette. Alvar Gonzalves, conseiller, Marco Béard. Don Eduardo, secrétaire de la main, Jean-Claude Arnaud. Don Cristoval, anciennement gouverneur du prince, Jean-Louis Gemma. Le grand amiral et prince de la mer, Michel Etcheverry. Le capitaine Batala, Simon N. Inès de Castro, Geneviève Casil. L'infante de Navarre, Christine Fersen. Mise en scène de Pierre Franck. La tribune libre de Théâtre et Université réunira, autour de Philippe de Chartres, Paul-Émile d'Hébert, Gabriel Matzneff, Marcel Giraudet, Edmond Richet, professeur de lettres supérieures au lycée Louis le Grand, et Pierre Jacob et Jean-Pierre Lemaire, ses élèves. Veuillez écouter tout d'abord un avant-propos de Marcel Giraudet. La Reine morte de Monterland a été écrite il y a 25 ans. Jouée à la Comédie française dès 1942, elle fut accueillie avec enthousiasme. Il y avait dans le style, dans le sujet, dans le cadre même de la pièce, un appel profond à la grandeur de la souffrance humaine et un refus de la médiocrité qui atteignait leur but. La Reine morte, dans une nouvelle mise en scène de Pierre Franck et avec Paul-Émile d'Hébert dans le rôle du roi Ferrante, reprend aujourd'hui sa place dans le répertoire. À vrai dire, depuis 25 ans, La Reine morte n'a pas cessé d'être jouée. Et le public ne s'y trompe pas. C'est bien de problèmes toujours actuels que Monterland nous entretient ici. La condition humaine, dans ses aspects individuels ou sociaux, dans ses rapports avec l'amour ou avec le pouvoir, est un immense mystère. L'orgueil, la légèreté, la confiance folle, les amours blessés et les morts inutiles, le goût de la perfection et le goût de la perfidie, tout cela, dans le royaume des hommes, mêle la faiblesse et la grandeur. Ce qui, dans la vie, était incohérent, flottant et divers, prend au théâtre la beauté immobile de la tragédie. On essaie parfois de discerner chez Monterland ce qui viendrait de Corneille, ce qui le rapprocherait de Racine. Vaine dispute, un peu de démesure baroque fait l'ornement du spectacle, un peu comme en Espagne, l'or et les pierres précieuses dans l'ombre des sanctuaires. Mais le langage des personnages de Monterland est le langage d'âmes fortes et tourmentées, se connaissant dans leurs moindres passions et posant à la limite de l'être la question qui ne reçoit jamais de réponse à la mesure de l'homme. Monterland pose à sa manière les problèmes de cette angoisse dans un style qui ne vieillit pas. La Reine morte est désormais une des grandes pièces classiques du théâtre français contemporain. Le roi Ferrante règne sur le Portugal. Il a décidé de marier son fils, Dom Pedro, à l'infante de Navarre. La princesse est venue en Portugal pour la célébration des fêtes de fiançailles. Mais Pedro lui fait savoir qu'il n'entend pas l'épouser. L'infante, alors, vient crier au vieux roi son dépit et son humiliation. Sur le champ, Ferrante appelle son fils. L'infante m'a fait part des propos monstrueux que vous lui avez tenus. Maintenant, écoutez-moi. Je suis là de mon trône, de ma cour, de mon peuple. Mais il y a aussi quelqu'un dont je suis particulièrement là, Pedro. C'est vous. Il y a tout juste 13 ans que je suis là de vous, Pedro. Bébé, je l'avoue, vous ne me reteniez guère. Puis de 5 à 13 ans, je vous ai tendrement aimé. La reine, votre mère, était morte bien jeune. Votre frère aîné allait tourner à l'hébétude et entrer dans les ordres. Vous me restiez seul. 13 ans a été l'année de votre grande gloire. Vous avez eu à 13 ans une grâce, une gentillesse, une finesse, une intelligence que vous n'avez jamais retrouvée depuis.

pour qu'il accepte un mariage dont dépend le sort du royaume. Cela peut vous être dur, mais il le faut. Je n'ai pas à vous en déduire les raisons. Le mariage du prince est une conjoncture à laquelle, depuis 2 ans, vous avez eu tout loisir de vous préparer. Mais là, Seigneur, vous me demandez l'impossible. Nonia Inès, je suis prêt à donner aux sentiments humains la part qui leur est due, mais non davantage. Encore une fois, ne me forcez pas à vous soutenir le point de vue de l'État qui serait fastidieux pour vous. Regardez, la route, la carriole avec sa mule, les porteurs d'olives. C'est moi qui maintiens tout cela. J'ai ma couronne, j'ai ma terre, j'ai ce peuple que Dieu m'a confié. J'ai des centaines et des centaines de milliers de corps et d'âmes. Je suis comme un grand arbre qui doit faire de l'ombre à des centaines de milliers d'êtres. Et tout cela demande que ce mariage se fasse, qui sert merveilleusement ma politique. Pedro a eu un nom brutal, et il a eu la folie de le dire même à l'infante. Mais ce n'est là qu'un premier mouvement, sur lequel je veux qu'il revienne. À vous de l'y aider. Vous n'avez pas à prendre ombrage de ses sentiments pour l'infante. Entre eux, il n'est pas question d'amour. Et vous satisferez votre roi, qui incline vers la tombe et a besoin que ses affaires soient en ordre. Faites-le donc, sous peine de mon déplaisir, et vous souvenant que toute adhésion qu'on me donne agrandit celui qui me la donne. Seigneur, le voudrais-je ? Je ne pourrai dénouer ce que Dieu a noué. Je ne comprends pas. Il y a près d'une année, en grand secret à Bragance, l'évêque de Guarda... Quoi ? ..nous a unis, le prince et moi. Oh ! Marié, mamie, et à une bâtarde ! Outrage insensé ! Et mal irréparable, car jamais le pape ne cassera ce mariage. Au contraire, il exultera de me voir à sa merci. Un mariage ! Vous aviez le lit ! Ce n'était pas assez. Pourquoi vous mariez ? Pour être plus heureuse. Plus heureuse ? Encore le bonheur, comme l'autre. C'est une obsession. Est-ce que je me soucie d'être heureux, moi ? Et depuis un an, mon fils me cache cela. Depuis un mois, il connaît mes intentions sur l'infante. Et il ne dit rien. Hier, il était devant moi et il ne disait rien. Et c'est vous qu'il charge d'essuyer ma colère. Comme ces misérables peuplades qui, au combat, font marcher devant elles leurs femmes pour se protéger. Il redoutait cette colère. Il savait bien qu'un jour il devrait la subir. Mais il préférait la remettre au lendemain. Et sa couardise égale sa fourberie et sa stupidité. Il n'est plus un enfant. Mais il lui est resté la dissimulation des enfants. À moins que... À moins qu'il n'ait compté sur ma mort. Je comprends maintenant pourquoi... Il se débat contre tout mariage. Je meurs, et à l'instant, vous régnez. Ah, j'avais bien raison de penser qu'un père, en s'endormant, doit toujours glisser un poignard sous l'oreiller pour se défendre contre son fils. 13 ans à être l'un pour l'autre des étrangers, puis 13 ans à être l'un pour l'autre des ennemis. C'est ce qu'on appelle la paternité. Bon, Félix! Faites entrer donc Cristobal avec 3 officiers. Madame, ce n'est pas vous la coupable. Retirez-vous dans vos chambres. On ne vous y fera nul mal. Don Félix, accompagnez Doña Inès de Castro et veillez à ce qu'elle ne rencontre pas le prince. Mais Don Pedro, Seigneur, pour lui une grâce. Assez. Dieu. Il me semble que le fer tranche de moi, mon enfant. Don Cristobal, je vous confie une mission pénible pour vous. Avec ces 3 hommes de bien, vous allez arrêter sur le champ le personnage que j'ai pour fils. Vous le conduirez au château de Santarém et vous l'y détiendrez jusqu'à ce que j'aie désigné qui le gardera. Seigneur, pas moi, un autre que moi. Vous, au contraire, et nul autre que vous. Cela vous fait souffrir. Eh bien, maintenant, il faut que l'on commence à souffrir un peu autour de moi. Lui... J'ai élevé. Et bien élevé, certes, indigne élève et indigne fils. J'atteste par le Dieu vivant que Don Pedro vous révèle et vous aime. Quand il me mépriserait, quand il aurait fait peindre mon image sur les semelles de ses souliers pour me piétiner quand il marche, ou quand il m'aimerait au point d'être prêt à donner pour moi sa vie, cela me serait indifférent encore.

Oh, cela use. Être sans cesse dans les mains des hommes, avoir régné près de 35 ans et encore ligoté. Le nonce me fait dire, pardon, Alvar, que le pape accueillerait comme un outrage que je sévisse contre l'évêque. Je suis comme un lion tombé dans une trappe. Je puis mordre, bondir, rugir, en vain. Vous êtes lié à Don Pedro, et ce lien ne peut être brisé que par la mort du pape et des dispositions différentes de son successeur à mon égard. Oh, je suis fatigué de cette situation. Je voudrais qu'elle prît une autre forme. J'ai l'habitude que les grandes affaires se règlent aisément et vite. Mais les petites, avec mille tracas et d'un cours interminable, celle-ci est grande et tracassante. Et je suis fatigué de vous, de votre existence. Fatigué de vous vouloir du bien. Fatigué de vouloir vous sauver. Ah, pourquoi existez-vous, enrageant obstacle que celui des êtres? Un fleuve, une montagne, on comprend, on accepte. Mais une pauvre chose molle de chair et de nerfs qui se tient droit, on ne sait comment. Alors, tout ce que j'ai fait est détruit. J'ai épuisé avec un crible. Et c'est vrai, pourquoi ce que j'ai fait subsisterait-il? Puisque moi, depuis longtemps, je ne subsiste plus. Mes mains sont ouvertes, tout m'a fui. J'ai joué de la flûte pour l'amour de Dieu. Seigneur, la gravité de la chose m'oblige à bousculer vos gardes. Une offense odieuse a été faite à votre majesté, dont la réparation exige des ordres immédiats. Un parti d'Africains a débarqué par surprise à Tavira, massacré des gens du port, et crucifié le capitaine qui jetait des hommes contre eux, à côté du cadavre crucifié d'un chien. Ils se sont rembarqués presque sans perte. L'insolence de ces misérables demande un châtiment exemplaire. À votre majesté seule, ils réservent leurs entreprises. Pensez-vous qu'ils eussent osé attaquer un port d'Andalousie ou de Valence? Jamais! Personne dont ne gardait la mer devant la côte du sud? Par suite d'une négligence très grave, la flotte de Don Lorenzo Paiva croisait à ce moment tout entière au nord du Cap Saint-Vincent. Oui, c'est ainsi. Il y a toujours quelques heures pendant lesquelles un royaume est sans défense. Un trou, il suffit d'entrer. Et de même, il y a toujours quelques heures où un homme fort et si faible, moralement et physiquement, tout étonné de tenir debout, qu'en le poussant un peu, on le ferait tomber. Par chance, il est rare que l'ennemi flaire ses heures. Ah, s'il savait! C'est dans ces heures-là surtout qu'il importe d'avoir l'air déterminé. Je demande un châtiment implacable pour Lorenzo Paiva. Quel châtiment? En temps ordinaire, j'aurais demandé une dure peine de prison. En ce moment-ci, je demande la mort. Pourquoi être plus sévère en ce moment-ci? Parce qu'en ce moment-ci, nous avons besoin de coupables. J'ai remarqué que l'on tue presque toujours trop tôt. Encore quelques jours, et le tué n'était plus si coupable. Combien d'assassinats sont des malentendus? Alors, sire, on ne tuerait plus personne. Paiva n'est-il pas un ancien serviteur? Sire, j'attendais votre royale colère et je suis confondu. Quand on vieillit, les colères deviennent des tristesses. Ou de la pitié. Et pour trouver la pitié, il n'y a qu'à se laisser aller. Mais pour trouver la dureté, il faut qu'on se hausse. Or, on doit toujours se hausser. Le roi est-il homme à pardonner une offense? Oui, quand le pardon est à son avantage. Sans doute, ce n'est pas le cas ici. Le sort de Don Lorenzo sera examiné, qu'on m'en reparle. Mais si donc cet homme pourrait avoir la vie sauve? Alors, sire, finissons-en. Laissez-moi aller chercher la mort en Afrique. Cette mort qui est épargnée aux traîtres. Mort, je ne serai plus témoin de l'impunité. Ne vous enflammez pas. Inès a le visage tranquille. Je n'aime pas ces entretiens qu'elle a avec le roi et l'en sort fortifié. Retirons-nous dans l'ombre un instant et écoutons ce qu'ils disent. Eh bien, que Don Lorenzo soit déféré à ma justice particulière. Je ne serai pas tendre. N'allons-nous pas tenter sur le champ quelque chose contre les Africains? Pour le coup, cela, je l'examinerai plus tard. J'ai assez décidé pour aujourd'hui. La guerre, des hommes qui ne valent pas de vivre, et des idées qui ne valent pas qu'on meure pour elles. Est-ce que vous le ferez mettre à mort? J'y incline. Il y en a qui disent qu'un vieillard doit être rigoureux parce qu'il lui faut aller vite.

pourquoi est-ce que je la tue? Acte inutile, acte funeste. Mais ma volonté m'aspire et je commets la faute sachant que c'en est une. Et bien qu'au moins je me débarrasse tout de suite de cet acte, un remords vaut mieux qu'une hésitation qui se prolonge. Page. Oh non, pas une page. Garde! Appelez-moi le capitaine Batala. Plus je mesure ce qu'il y a d'injuste et d'atroce dans ce que je fais, plus je m'y enfonce, parce que plus je m'y plais. Capitaine, Doña Inés de Castro sort d'ici et se met en route vers le Mondego avec 4 hommes à elle, peu armés. Prenez du monde, rejoignez-la et frappez. Cela est cruel, mais il le faut. Et ayez soin de ne pas manquer votre affaire. Les gens ont toutes sortes de tours pour ne pas mourir. Et faites la chose d'un coup. Il y en a qu'il ne faut pas tuer d'un coup, cela est trop vite. Elle, d'un coup. Sur mon âme, je veux qu'elle ne souffre pas. Je viens de voir passer cette dame. À son air, elle était loin de se douter. Je l'avais rassurée pour toujours. Faut-il emmener un confesseur? Inutile. Son âme est lisse comme son visage. Capitaine, prenez des hommes sûrs. Ceci est sûr. Rien n'est trop sûr quand il s'agit de tuer. Ramenez le corps dans l'oratoire du palais. Il faudra que je le voie moi-même. Quelqu'un n'est vraiment mort que lorsqu'on l'a vu mort de ses yeux et qu'on l'a tâté. Hélas, je connais tout cela. Il serait encore temps que je donne un contre-ordre. Mais le pourrais-je? Quel bâillon invisible m'empêche de pousser le cri qui la sauverait? Il fera beau demain. Le ciel est plein d'étoiles. Il serait temps encore. Encore maintenant. Des multitudes d'actes pendant des années naissent d'un seul acte, d'un seul instant. Pourquoi? Encore maintenant? Quand elle regardait les étoiles, ses yeux étaient comme des lacs tranquilles. Et dire qu'on me croit faible! Ah! Maintenant, il est trop tard. Je lui ai donné la vie éternelle. Et moi, je vais pouvoir respirer. Garde! Apportez des lumières! Faites entrer tous ceux que vous trouverez dans le palais! Eh bien, qu'attendez-vous? Des lumières! Des lumières! Rien ici ne s'est passé dans l'ombre! Entrez, messieurs! Entrez! Messieurs, Doña Inés de Castro n'est plus. Elle m'a annoncé la naissance prochaine d'un bâtard du prince. Je l'ai fait exécuter pour préserver la pureté de la succession au trône et pour supprimer le trouble et le scandale qu'elle causait dans mon état. C'est là ma dernière et grande justice. Au-delà de cette femme infortunée, j'ai mon royaume, j'ai mes peuples, j'ai mes âmes, j'ai la charge que Dieu m'a confiée, et j'ai le contrat que j'ai fait avec mes peuples quand j'ai accepté d'être roi. Un roi est comme un grand arbre qui

Le grand amiral, prince de la mer, fait un geste de refus. Pedro lui barre la route et dégaine son poignard. Le grand amiral recule et s'exécute. Le petit page glisse un regard vers le trône, entouré par les courtisans à genoux. Enfin, il se relève et va les rejoindre. Le cadavre du roi Ferrand reste seul, ignoré de tous. Veuillez écouter maintenant le débat de la Tribune libre de Théâtre et Université qui réunit autour de Philippe de Chartres, Paul-Émile Débert, Gabriel Matzneff, Marcel Giraudet, Edmond Richet, professeur de lettres supérieures au lycée Louis le Grand, et Pierre Jacob, Jean-Pierre Lemaire, ses élèves. Gabriel Matzneff. Nous savons tous les rumeurs qui ont suivi cette reprise de la Reine morte. Je crois pour ma part que lorsqu'on est comme M. Roger Perfitte, l'auteur d'une pièce nommée Le Prince des Neiges, on ne se donne pas le ridicule de dire et d'écrire ce qu'il a dit et écrit au sujet de la Reine morte. Je crois d'ailleurs que dans cette cabale ou cette semi-cabale qui s'est orchestrée après cette reprise, il y a une bonne part de mauvaise foi, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. C'est-à-dire, en vérité, ce que nous pensons de l'œuvre de Monterland et de la Reine morte. Pierre Jacob. Vous avez parlé de mauvaise foi à propos de la cabale orchestré autour de la Reine morte. Ce qui m'a frappé au spectacle de la pièce, c'est ce décalage entre le spectacle même et éventuellement les intentions que j'ai cru percevoir au spectacle de la Reine morte. Il m'a semblé que Monterland voulait à la fois faire un théâtre psychologique, à la fois un théâtre historique. Or, il se trouve que, dans le spectacle tel qu'il m'a été proposé, je n'ai trouvé ni la justification d'un théâtre psychologique, ni la justification d'un théâtre historique. Et j'en suis toujours à me demander pourquoi Monterland a choisi de placer sa pièce au Portugal à une certaine époque, entourée d'un certain décor qui se veut relativement précis, et pourquoi il a pris tellement de soin, finalement, à donner aux spectateurs l'impression d'un désastre psychologique ou bien d'un néant qui engloberait le personnage principal qui est Ferrante. Alors, voilà bien des questions posées en même temps. On va essayer d'y voir un peu clair. Gabriel Matzneff. Je crois, tout d'abord, à propos de ce que vous disiez du personnage principal de Ferrante, qu'il y a une grande malhonnêteté intellectuelle ou en tout cas une grande méconnaissance des lois de la création artistique de faire ce que font beaucoup de critiques et ce que vous venez peut-être de faire un petit peu implicitement, à savoir d'identifier Ferrante avec Monterland et d'oublier que Monterland est le père de tous les personnages de la Reine morte. Et ceux d'entre nous qui connaissons Monterland, nous savons que, par exemple, ce que Pedro dit sur le droit à la vie privée, sur même la supériorité du bonheur individuel sur l'abstraction de l'État, eh bien ce sont des vérités que Monterland ressent très profondément, autant que les phrases dites hautaines ou prétendument hautaines de Ferrante. Marcel Giraudet. Moi, je voudrais aussi reprendre plus précisément cette idée que peuvent avoir des jeunes gens encore dans l'université, qu'une pièce a ou n'a pas un cadre précis, n'est-ce pas ? Et lier cette idée de pièce historique, d'historicité de la pièce, à la psychologie possible d'un auteur à travers ses personnages. Avec le recul, il faut bien dire qu'on ne peut juger la Reine morte qu'avec un recul maintenant. Ça fait 25 ans, et 25 ans, c'est quand même un laps de temps assez important pour qu'une génération qui ait vu les premières représentations porte un jugement beaucoup plus sûr, et pour que les réalisateurs, acteurs, metteurs en scène, ou même l'auteur, aient pu prendre un peu de large, n'est-ce pas ? Or, il est certain qu'après avoir vu Cisneros, Port-Royal, toutes les autres pièces de Monterland, on arrive à cette idée que la Reine morte n'est pas vraiment sa meilleure pièce, d'ailleurs, Monterland le dit, n'est-ce pas ? C'est pas sa pièce la plus parfaite et quelquefois il l'oublie dans son répertoire. Ça, c'est une malveillance d'auteur pour un enfant qui a bien poussé, n'est-ce pas ? D'autre part, toutes les pièces de Monterland se calfeutrent dans ce que j'appellerais, moi, des petits royaumes, n'est-ce pas ? Ce sont des petits royaumes, que ce soit Port-Royal, que ce soit Cisneros, que ce soit toute autre pièce de Monterland, il y a un milieu qui n'est pas clos à la manière racinienne, mais qui échappe quand même aux règles communes de l'existence. Ça, c'est l'aspect un peu romantique de l'affaire. Et qu'il y ait des décors, qu'il y ait un paysage extérieur qui n'influe pas tellement d'ailleurs sur les personnages, c'est nécessaire. Parce que dans ces petits royaumes, il y a chez Monterland toujours un homme solitaire. Un homme solitaire et qui fait de sa solitude sa grandeur et toute sa psychologie. Et autour de cet homme solitaire, il y a des jeunes gens, des gens un peu moins vieux que lui et qui souffrent des répercussions de leur existence sur ce solitaire. Et ça, ça fait un paysage qui n'est pas classique, n'est-ce pas ? Et qui est plus proprement romantique. C'est aussi vrai pour le château du maître de Santiago, c'est aussi vrai pour le camp de Pompée. Oui. Et alors, au dénouement, il y a un aspect sacrificiel toujours dans le théâtre de Monterland. Au dénouement, dans la nuit qui vient, il y a quelqu'un qui meurt sans qu'on sache vraiment qui le tue et pourquoi il meurt. Et ça, ça reste également romantique, mais c'est inexplicable. Monterland nous donnera peut-être la clé de cette psychologie et de cette métaphysique à la fin de sa vie, où il l'a peut-être mis dans un coffre, n'est-ce pas ? Mais de ses romans, de ses pièces de théâtre, on ne trouve pas d'explication valable qui soit à la portée d'un jeune esprit moderne, actuel, contemporain, qui a d'autres exemples dans le théâtre plus près de lui. Edmond Richer. Qu'on le veuille ou non, je crois quand même que Monterland attache un certain prix à la consistance psychologique de ses personnages. Et je crois qu'il reconnaîtrait que le décor, comme on vient de le dire, a moins d'importance peut-être qu'un certain drame. Mais il me semble que le drame typique de Monterland, tel qu'on vient de le rappeler, ne se retrouve pas ou se retrouve mal dans les impressions que nous avons au spectacle. Au début, on entre dans le jeu, on est pris, d'autant que le style est assez étincelant, on croit à un drame, à un débat chez Ferrand, à un conflit entre la raison d'État et l'amour paternel, mais au fur et à mesure que la pièce avance, les motivations de Ferrand apparaissent de plus en plus obscures, voire inexistantes. Lui-même l'avoue à la fin, lorsqu'il prend la décision de tuer Inès, « Pourquoi est-ce que je la tue ?» Je crois que le spectateur est fondé à se poser la même question et à ne pas très apprécier ce tour de passe-passe de l'auteur. Gabriel Manzeff. Mais quelles sont les œuvres, les grandes œuvres, qui n'appellent pas le spectateur ou le lecteur à se poser des questions ? Toutes les grandes œuvres inquiètent. La littérature n'est pas faite pour rassurer, mais pour inquiéter. C'est là son grand rôle. Bien sûr, on peut se poser aussi le problème pour Pyrrhus. Il n'est pas tellement logique dans son attitude et il inquiète, comme vous dites. Et le roi Lear. Le roi Lear, Suréna. Je crois simplement que la différence entre le personnage de Pyrrhus et le personnage de Ferrant, c'est que précisément face à Pyrrhus, nous sommes inquiets et nous avons des raisons de l'être. Face à Ferrant, nous ne le sommes pas, car ce n'était pas du tout pour attaquer la personne même de Monterland que je faisais allusion à Ferrant, c'était simplement pour essayer de montrer en quoi j'ai eu l'impression que l'écrivain Monterland n'est pas parvenu à l'objectivité nécessaire de la scène théâtrale pour nous faire ressentir les troubles, les inquiétudes ou même le néant qui entoure Ferrand. Marcel Gironet. Je crois que c'est parce que nous avons un esprit, dans l'université scolairement, un esprit axé sur la perfection de la tragédie du XVIIe siècle. Et dans le cas de Monterland, il est certain que la tragédie ne sort pas du drame. Il a intitulé sa pièce « Drame » d'ailleurs. Et c'est un drame dans toute son action. C'est un drame qui reste d'ailleurs soumis à une dramaturgie assez régulièrement classique, c'est-à-dire que chaque acte est dominé par une scène clé. Et cette scène clé apporte à la fois des surprises pour le spectateur et à la fois des solutions psychologiques. Il est certain que la rencontre Ignace-Infante, la rencontre Pedro-Ferrante, la rencontre Ferrante-Ignace sont des massifs, si vous voulez, autour duquel s'organise tout le paysage de la Reine morte. Moi, je crois en définitive que le théâtre de Monterland est effectivement, au-delà de tout ce qu'on vient de dire, un théâtre psychologique. Et c'est par là même que nous avons devant ce théâtre une réaction, enfin, je dis moi et d'autres, qui n'est pas semblable à la vôtre. Vous faites un procès d'intention au départ, n'est-ce pas ? Je sais bien qu'il n'y a de critique que subjective. Pour ma part, je me retrouve à chaque instant dans l'univers de Monterland. Parce que pour moi, l'univers de Monterland, c'est l'action, et c'est l'action vraiment débarrassée de toutes ces scories. Rappelez-vous ce que disait le maître de Santiago, il n'y a de grande aventure que celle de l'âme. Ferrante m'attire parce que dans le débat entre son fils et lui, je ne sais jamais qui a raison. Les uns et les autres tirent de moi des arguments qui sont contradictoires et en même temps valables et qui s'opposent. Et je deviens le lieu théâtral de débat psychologique qui est sur la scène. Et encore une fois, il est difficile, il me semble, de parler de la Reine morte ou de Ferrante. Et il faut que Ferrante rejoigne tous les personnages qui lui ressemblent et qui en même temps sont dissemblables et qui sont les grands héros de l'œuvre de Monterland. Le grand Pompée, le maître de Santiago, sœur Angélique de Saint-Jean, le cardinal Cisneros, tous ces hommes sont présents non pas parce qu'ils ont quelque chose à nous dire, n'est-ce pas, mais parce qu'en définitive, on est solidaire d'eux. Alors, Monterland arrive à cela parce qu'il a son style, parce qu'il a son organisation dramaturgique, mais ça n'est pas suffisant, c'est parce qu'il atteint une certaine vérité psychologique. On a dit en définitive que Monterland, c'était le Corneille d'aujourd'hui. Moi, je ne crois pas. Je crois que plutôt Monterland est certainement un anti-Corneille. Corneille par la grandeur et la beauté du style et de l'organisation dramaturgique, mais anti-Corneille par sa philosophie. Tous ces personnages se défont devant nous. Ce sont des gens qui sont rongés par un cancer. Ils luttent contre ce cancer le plus terrible, le cancer de l'âme. Alors, il me semble qu'il y a là quelque chose de bouleversant, d'émouvant, et en tous les cas, moi qui m'entraîne. Jean-Pierre Lemaire. Ce qui nous égare peut-être lorsque nous cherchons à comprendre le problème de Monterland, et en particulier le problème que se posent ces personnages, qui fait leur consistance psychologique, c'est le fait que nous cherchons ce problème à l'intérieur de chaque personnage, et ce personnage en le séparant plus ou moins des autres. Ce qui nous y incite, c'est le fait que le théâtre de Monterland soit surtout une suite de monologues. Il suffit pour ça de regarder l'une des grandes scènes de la fin entre Ignace et Ferrante, où Ferrante parle continuellement de ses propres affaires, des affaires de l'État, de sa vieillesse, alors qu'Ignace, elle, parle continuellement de son propre enfant. C'est le propre du théâtre psychologique ? Mais je crois précisément que nous pourrions regarder le problème entre les personnages, et alors situer le problème non plus au niveau de tel ou tel personnage, mais au niveau de Monterland lui-même. Et essayer à cette occasion de préciser. Vous comprenez bien que Monterland est plein de ruses, n'est-ce pas, qu'il ne va pas se livrer à vous comme cela, n'est-ce pas. Et il est plein de ruses parce que ses personnages eux-mêmes sont pleins de ruses avec l'histoire, avec eux-mêmes, avec les autres. C'est ce qui crée constamment une espèce de perte d'un fil qu'on essaie de retrouver. C'est ce qui est le drame profond de l'œuvre de Monterland. J'aimerais que Paul-Émile Debert nous dise comment il sent Ferrante au milieu de ces contradictions que nous n'arrivons pas à saisir et que Monterland lui-même ne cherche pas à simplifier. Paul-Émile Debert. Vous savez, d'abord, il faut dire que interpréter Ferrante est une chose qui n'est pas facile, grand Dieu, pas du tout, justement par tous les méandres par lesquels il faut passer. C'est la grande difficulté de l'interprétation du personnage. Il peut le jouer d'un bloc, ça serait une hérésie totale, ou le jouer complètement fatigué, ou le jouer tirant à mort par la violence, je crois que ça n'est pas défendable. Il est plein d'ironie, il est plein d'astuces, il est plein de ruses, il a, si vous voulez, mille facettes. Ça, c'est indiscutable. Et je ne parle pas seulement de ce personnage-là, mais je parle des autres. Je vous assure que le personnage de Pedro, si on dit il est sans consistance, il est falot, c'est absolument faux. Regardez la façon dont il tient tête à son père au premier acte. Et comme vous disiez, et dont il tiendra le royaume après. Ah oui, ça c'est inouï. Si on sait qu'il est devenu Pierre le Cruel, n'est-ce pas ? Il avait tout ça en puissance. Il a été le fils de son père à la puissance X. je crois. L'infante est un personnage assez étonnant lui aussi, et qui, psychologiquement parlant, ne fait pas le détail. Et Inès elle-même défend admirablement son point de vue et sait qui elle est. Et Gascoello, ça a été un des grands sujets de conversation pendant les répétitions. Pourquoi veut-il si férocement la mort d'Inès? Eh bien, mais parce que lui aussi, il va au bout de lui-même, et qu'au fond, il est peut-être celui qui est le plus ardent défenseur de la monarchie dans le sens le plus absolu du terme. Oui. Gabriel Mazeneuf. C'est votre interprétation. Ah non, non, non, c'est celle sur laquelle nous sommes tombés d'accord avec l'auteur. Oui, oui, peut-être. Peut-être qu'il y en a d'autres. Mais de toute manière, je suis vraiment très heureux que vous ayez parlé des autres personnages. Oui. Car il me semble que ce serait une erreur de réduire la reine morte à Ferrante. Il la domine, c'est exact. Il la domine, comme ça, un démon maléfique un petit peu qui rôde et qui tient les destins, certainement. Mais je crois que... Vous voulez absolument maléfique, ce roi de douleur. Je le trouve, enfin, maléfique. Maléfique dans la mesure où... Oui, il dit d'accord, il dit en parlant d'Inès, j'aime en elle le mal que je lui fais. Mais ça ne veut pas dire qu'il non, c'est un roi. Non, c'est un roi nihiliste. Maléfique, c'était un adjectif peut-être un peu impropre. C'est un roi nihiliste qui tue Inès dès l'instant qu'il apprend qu'elle est enceinte, parce que, comme il dit, il n'aime ni l'avenir ni la vie. Il n'aime pas que les choses continuent. C'est le propre du nihilisme. Jean-Pierre Lemaire. Et il me semble que le dégoût de la vie chez Monterland, c'est précisément un des pôles du dilemme qui se pose dans la pièce. Le problème n'est peut-être pas dans Ferrante ou dans Inès ou dans Pedro, mais entre ce dégoût de la vie que représente Ferrante et d'autre part le couple que forment Doña Inès et Don Pedro, et ce goût de l'enfance qu'il y a chez Monterland et qui est répandu dans toute son œuvre, en particulier dans La Relève du matin et dans sa préface. Il y a un dilemme, un contraste extrêmement aigu entre des personnages comme Don Pedro, ou bien les idées qu'a pu exprimer Monterland lui-même, et ce goût de l'enfance, ce goût du renouveau perpétuel, ce goût de la fraîcheur, ce goût d'une vie qui n'a pas encore été souillée, justement par l'expérience, qui est une des choses sur lesquelles Monterland insiste le plus, d'une part dans ses romans, et d'autre part dans le personnage de Ferrante. Marcel Giraudet. L'expérience use les hommes qui ont tout vu, n'est-ce pas, au point qu'ils donnent du monde une image dégoûtante, navrante. Que ce soit Péréfix dans Port-Royal, que ce soit Cisneros, que ce soit Ferrante, il est certain que quelle que soit leur grandeur, quelle que soit leur solitude, quelle que soit leur domination, il y a quelque chose qui est repoussant. Et c'est évidemment quelque chose, oui, qui peut troubler des jeunes gens. Oui, bien sûr, mais je crois que ce qui fait encore basculer le tout, c'est que ayant tout vu, étant revenu de tout, et je crois que ces personnages ont en effet une vue très objective du monde, il n'empêche que leur dernier acte est toujours un acte de passion. Et c'est à ce moment-là qu'ils basculent dans le néant. Ils sont, enfin, au-delà de toutes les complexités. Ils sont des morts en sursis, des cadavres en attente. Mais je ne crois pas du tout que tous les personnages de Monterland soient des cadavres en attente. Nous sommes tous des cadavres en attente. Et cette dualité entre un certain, peut-être, pessimisme et le goût de la vie, il n'y a pas que Monterland qui l'a. Je pense que certains de ceux qui sont autour de cette table l'ont également, et d'autres écrivains l'ont eu avant nous. En tout cas, en ce qui me regarde, on parle toujours de la grandeur de Monterland. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Lorsque j'ai découvert l'œuvre de Monterland il y a quelques années, j'avais 17 ans, eh bien, c'est une découverte qui, pour moi, a compté autant que celle de Dostoïevski, par exemple, ou de Nietzsche, ou de deux ou trois autres, peut-être. Eh bien, ce n'était pas la grandeur de Monterland qui m'a atteint. Aux Fontaines du désir, ou Les jeunes filles, ou certaines pièces dont personne ne parle jamais, que pour ma part, je préfère de beaucoup à La Reine morte ou même au Cardinal d'Espagne, des pièces comme Don Juan, comme Malatesta, qui sont des pièces merveilleuses de vie, d'insolence, de jeunesse, et que personne ne joue et dont personne ne parle, eh bien, tout ça, c'est pas la grandeur, c'est bien autre chose, mais ça serait déjà un autre débat. Moi, je suis très attaché à Monterland, quoique ce soit un homme qui ne corresponde pas ni à ma sensibilité, ni à mes réactions intellectuelles, bien souvent. Je crois qu'il ruse, justement. Je crois que comme Ferrante et comme Cisneros, connaissant beaucoup de choses, il ruse. Il a un mot. Nous sommes toujours, des auteurs, et lui en particulier, mais les hommes forts, sont toujours à la merci des silences, dit-il. On craint toujours les silences d'autrui ou le silence qui nous guette, n'est-ce pas? Or ça, je trouve que sur le plan de la psychologie humaine, de la condition humaine, quelle que soit la place Où se trouve le personnage? Que ce soit un roi, que ce soit une fille, que ce soit une bonne sœur, que ce soit un cardinal, il est certain que si cet homme est à la merci des silences, il y a un incompréhensible qui ruine toute la psychologie. La psychologie qui semble classique et formellement entourée de lyrisme de Monterland, est tout d'un coup frappée de cet incompréhensible. Il dit, il y a quelque chose d'incompréhensible dans la vie, je pourrais l'expliquer, mais je ne l'explique pas. Et ça, ça peut troubler. Quand même. Le secret de Monterland. Le secret de Martin. Gabriel Matzneff. Je ne vous dirai pas le secret de Monterland, d'abord, parce que je crois que le meilleur moyen de le percer, c'est de lire ses livres, et notamment certains de ceux que j'ai cités tout à l'heure. Je pense notamment aux Fontaines du Désir. Mais je crois qu'en ce qui regarde le trouble dont Giraudet parlait à l'instant, eh bien, je trouve que c'est très heureux qu'il existe. J'ai vu deux fois depuis cette reprise La Reine Morte. Les deux fois, Paul-Émile Débert m'a troublé, m'a inquiété. Eh bien, heureusement. Heureusement, car je ne sais pas, est-ce qu'il y a des jeunes gens qui souhaitent n'être pas troublés, être rassurés par la littérature et par la vie? Le trouble, c'est le sel de l'existence. Les gens rassurés sont des gens très ennuyeux. Paul-Émile. Je vais rejoindre mon voisin en reprenant ses propres termes et en disant tout simplement, pour découvrir Monterland, il n'y a qu'à parcourir la pièce. Moi, je vous assure que je commence à la connaître assez bien. Eh bien, pour me livrer la psychologie de Ferrante, j'ai la voix de Pedro, n'est-ce pas, qui dit au début du quatrième tableau, je crois, « Vouloir définir le roi, c'est vouloir sculpter une statue avec l'eau de la mer. » Alors évidemment, vous me direz, le comédien n'a qu'à se débrouiller avec ça. Mais ça n'est pas grand-chose. Oui, dans l'absolu, si vous voulez, c'est terrible. Mais vous avez, pour arriver à construire un personnage de cette nature, vous avez tout ce qu'il dit d'autre dans la pièce, et tout cela va quand même très loin. Mais il faut arriver, en effet, à donner cette impression, qui est assez déroutante, il faut le dire. Vouloir définir le roi, c'est vouloir sculpter une statue avec l'eau de la mer. Voilà quel est le personnage tel que l'a voulu Monterland. C'est ça l'impression qu'a voulu l'auteur. Il a voulu ça. Oui. Maintenant, paradoxe du comédien, je ne sais pas si la question est possible. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe en toi au moment où tu décides de tuer Inès? En toi? Ah, ça, c'est très difficile à dire. Ah ben oui, je sais pas. C'est pour ça que je te le demande. À ce moment de la pièce, disons que... Tu veux la sauver ou tu comme veux... Comme Ferrante, je sens une immense fatigue qui m'envahit, un énorme manteau de responsabilité sur les épaules. Je me demande quelle va être l'issue de la représentation. Et si vous voulez, à ce moment-là, disons, le fameux trac, la fameuse panique est allé grandissant depuis 3 heures. Et on sent en effet un énorme besoin de se délivrer de quelque chose. Il y a un besoin de se libérer de quelque chose. Et il se libère par un acte. Il se libère par un acte. Et dire qu'on me croit faible, n'est-ce pas? Alors je pourrais dire en tant que comédien et dire qu'on me croit mauvais, n'est-ce pas? Alors je vais tâcher d'être bien dans les 3 dernières lignes. Non, c'est très curieux, vous savez, parce que quand on a joué les trois premières grandes scènes de Ferrante, il y a tout le tableau de Santarém où Ferrante ne paraît pas. Et où, par conséquent, vous pourriez croire que je me repose. Pas du tout. C'est là où le trac redouble et où je me trouve au lever du rideau de ce fameux dernier acte qui est un des plus longs du répertoire. Pensez qu'il fait près de 50 minutes, n'est-ce pas? C'est quand même très, très lourd. Et à ce moment-là, vraiment, je recommence une autre pièce dont je ne vois pas la fin. Et il faut en sortir. Et quand ma charmante camarade Geneviève Casil est sortie de scène et que je dis « Pourquoi est-ce que je la tue ?» Eh ben, pour en sortir. Edmond Richer. Je vois que la statue de Selle, même si ses contours, et peut-être parce que ses contours sont imprécis, suscite bien des controverses. Je crois qu'il est un point peut-être sur lequel Monterland rallierait plus facilement les suffrages, c'est son style. Là aussi, on peut faire quelques réserves. Je pense pour ma part, je commence par les réserves, puisque finalement, je veux le louer. Je crois pour ma part que ce qui, à mes yeux, est quand même une déficience de la psychologie de Ferrante, entraîne parfois quelques monotonies. Ferrante nous apparaît comme un professeur de cynisme. Il a l'aphorisme facile. Mais justement, chez lui, l'aphorisme a, pourrait-on dire, la constance et l'entêtement d'un tic. et je pense à certains mots qui ne dépassent pas beaucoup les mots de chansonnier, lorsque Ferrante, parlant de l'infante et de son fils, ils ne s'aiment pas, donc leur ménage a toute chance d'être heureux, lorsqu'il dit encore que tout grand homme a dû faire un séjour en prison, ceci me paraît d'un niveau assez médiocre, mais j'ai hâte d'ajouter que, dans l'ensemble, le style du personnage de Ferrante est un style de théâtre, un style qui passe la rampe. Il y a des mots, je n'oserais pas les répéter devant Paul-Émile Débert, mais enfin, le « en prison pour médiocrité », le « si je suis bon quand il me plaît », et bien d'autres sont d'excellents mots de théâtre. Et inversement, dans les personnages plus doux de la seconde race, de la race des victimes, chez Monterland comme Inès, comme le duo d'amour entre Pedro et Inès, il y a un lyrisme très charmant qui s'exprime en des phrases très musicales. Et j'insiste personnellement sur cette qualité à laquelle je suis sensible, surtout à une époque où, me semble-t-il, il y a une sorte d'impérialisme de la philosophie en littérature. C'est Gaëtan Picon, je crois, qui distingue le théâtre-théâtre du théâtre qui est peut-être moins. Nous sommes ici en face d'un théâtre littéraire qui est peut-être, par rapport à celui de Sartre, auquel on peut penser à le comparer, puisque ce sont des contemporains moins riches de substance, c'est ainsi que je le verrais personnellement, mais qui est mieux écrit, et Monterland est vraiment, je crois que le mot est de Gide, un écrivain de race, un seigneur des lettres. Je suis d'accord sur ce que même les adversaires accordent à Henri de Monterland, c'est-à-dire la beauté de son style, ce qu'on lui accorde aussi, c'est-à-dire l'organisation dramaturgique. Enfin, tout cela est de l'excellent théâtre. Mais moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse en définitive dans Monterland. Ce qui m'intéresse dans Monterland, c'est la vérité et c'est la vie. L'Office de Radiodiffusion Télévision Française vous a présenté, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Théâtre et Université, une émission d'Éléonore Kramer. C'était aujourd'hui, dans un découpage radiophonique, La Reine morte, de Henri de Monterland, joué au Théâtre français avec la distribution suivante. Ferrante, roi de Portugal, Paul-Émile Débert. Le prince Dom Pedro, son fils, Jacques Toja. Et Gascoello, Premier ministre, François Chaumette. Alvar Gonzalves, conseiller, Marco Béard. Don Eduardo, secrétaire de la main, Jean-Claude Arnaud. Don Cristobal, anciennement gouverneur du prince, Jean-Louis Gemma. Le grand amiral et prince de la mer, Michel Etcheverry. Le capitaine Batala, Simon N. Inès de Castro, Geneviève Casil. L'infante de Navarre, Christine Fersen. Mise en scène de Pierre Franck. La Tribune libre de Théâtre et Université réunissait autour de Philippe de Chartres, Paul-Émile Débert, Gabriel Matzneff, Marcel Giraudet, Edmond Richet, professeur de lettres supérieures au lycée Louis-le-Grand, et Pierre Jacob et Jean-Pierre Lemaire, ses élèves. Réalisation, Éléonore Kramer.